WSM on the track. C'est Marseille, baby, tout doux, ben. Ça aïe, ça, baby, tout doux, ben. On règle les choses en face to face. J'suis un vrai DZ, pas comme c'est fake. J'les écoute que du bruit. Quand y'en a marre, on fait le tri. Si tu veux la cali, mets le prix. Plus le temps. Quand tu nous vois, bébé, chaleur. Si tu veux danser, wesh, alors. Pourquoi tu faisais la fraîche t'à l'heure? C'est mort, j'suis toujours dit mal et baisse. J'suis toujours à une ennie. Attends-nous cet été, on va tout péter en claquette comme le J. Bien entendu, j'suis le plus attendu. J'ai sorti le golf cette heure, j'ai baissé la vitre et les nerfs sont tendus. Les pochetards sont vendus, le poteau s'est rendu. La cavale, ça coûte un bras, j'continue tout droit, minuit sur la pendue. Parisienne, puis l'époque de vie cash. Le principe, c'est vital, j'ai le magnum, le stock, l'équipage, je la frappe, j'vois même pas son visage. Ils font semblant, j'ai tricard trop longtemps sur le vent. J'ai des crampes, j'ai remis les crampons, faut me faire la page, vais la remettre 30 dans les temps. Narchetan, sur la bécane, Torina sous gazo, j'veux la sassème de Zazie. Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais des phases, j'ai vu la haine sur le visage, un destin inévitable. Ça veut Kishta, ça veut Gucci full. Ça veut fit joie, ça veut beautiful. J'arrive dans le mieux sur le Yamaha. Un Y à la OG full. Y'a des équipes qui veulent leur NT. En rivalité comme River et Boca. Devant l'OPJ, j'fais le Bernardo. Pour toucher l'avocat qui a la boca. J'suis sur le terre-terre, j'suis pas sur Tinder. Trois filters collés sur le finger. Ils ont pas de fer, ils me font les flingers. Ça paye pas de mine comme dans Peaky Blinder. On joue en attaque, tu fais que défendre. On fait que monter, tu fais que descendre. Tu shit en tonne, Marseille c'est Campton. Ça fait ratata, janvier à décembre. J'préfère le bon shit. Gros joueur, n'sème pas de marijuana. Ça sert sur la neige, ça veut faire comme cartel de Tijuana. Les temps sont durs dans la street zère, ça viscère des vins secs. Y'a pas de gamelle en garde à vos bleds. Tu manges du hlib avec du pain sec. Ça pointe du calibre dans la zone à risque. Du shit ça livre de Marseille à Paris. Ça pointe du calibre dans la zone à risque. Du shit ça livre de Marseille à Paris. Chargé à bloc, régulateur jusqu'à la planque. Fais le trajet en détente, même si nos vies en dépendent. Prêt à tout pour le buzz, on n'allume pas pour le buzz. Wesh, si tu commences, on achève. Y'a que la vengeance qui m'apaise. Wesh, même si 35 fait taire les colosses. Parano, j'peux faire confiance qu'à Mélos. Même si 35 fait taire les colosses. Parano, j'peux faire confiance qu'à Mélos. OG Black. Numéro 13 sur maillot de Brazil, hey. Sur VDP, hey. J'ai pété ma tête quand j'ai vu la mentalité de ces grandes dindes au studio pour éviter les fils de timbre dans ma bulle depuis l'époque. J'suis comme ça, alcoolisé, j't'ai aimé, merboula. Et copine, t'es vilaine, t'es reine et t'es morte. Envoie ta copine, surveille la porte. T'as pas de fesses, tes boutons, c'est des panneaux stop. Et t'as le culot de twerking non-stop. Problème, j'suis dans des salades de fruits. Ils croient que c'est un modèle, mais tous les soirs, ils tapinent. J'me bute à la pop, pop, pop, pop. J'vais finir à l'os, to, to, to. Il s'est pris pour Pablo, lolo. On en porte rien, poto. Madonna, se droguer comme Maradona, les cheveux bouclés à Shakira. Aïe aïe. Sa bandit calibre dans la zone à risque. Du shit ça livre de Marseille à Paris. Sa bandit calibre dans la zone à risque. Du shit ça livre de Marseille à Paris. J'roule à bloc, le son me régale. Vas-y, décale, j'encaisse, c'est impeccable. Y'a la Honda. Veux la villa pour le T4, ça tape la coque, ça pète des caps, ça crame des corps, tire un bécane, plomo, plomo dans cabessa. Celui qui tire, c'est pas bécane. Du désespoir et des bateaux, plata, y'a des kilos sur le bateau. Un RS7 de 3 billages, ça se fait la guerre comme un gonachato. J'veux que les frères passent en guillemets. Lamborghini. Je tire de grosses barres sur la Cali. Le son c'est la frappe, c'est la Cali. Le rap c'est le ballon, je mets des pralines. J'en connais qui dort pas sans le calibre. Je fais des tours, je suis dans la zone. Vas-y fais le H, bientôt ça vend des calages sur Amazon. C'était pour le cash, je suis froid, je protège mi corazon. Je vends pas la mâche, 500k en cash sous le parasol. Je vois le futur en détail, je suis à Marseille en détente. Je suis en pégué comme un sgeg, il met pas 15 heures pétante. Ouais je suis pété, envoie la Volvo. Mike faut pas t'inquiéter, Bob Brink est sur Vette Croco. Pas seulement de jambes obligées d'esquiver les decks. Ils font que donner dans mon check et moi j'ai mon pétard au bec. Je les vois faire les voyous, tremblement de terre. La musique on sait la faire, j'ai même pas fini mon père. Gros tu veux que j'aille où? Passe à Marseille, y'a du bon shit. Y'a les civils qui font poursuite, t'as des sales pages, y'a des petites. Si je crochis tout de suite, tout est logique. La famille, c'est vital, j'ai pas besoin de me justifier. Économie, souterraine, faire des gros billets. Clientèle, je vous régale, quantité et qualité. Le bon billet, c'est réel, en bande organisée. Hey, j'en taffe avec, on te sacrifie comme Aztec. Tu t'en prends une dans la pastèque, petit traître. Nous avec du bif on t'achète. Ce vitamine, elle est pas nette. Comme Freezer, j'détruis planète. Hey, je ferai de la piraterie toute ma vie. Faut pas manger la magie mélangée dans le riz. On aime les petites qui se plient, les bécanoïs. Dis-moi où sont les amis quand y'a les ennuis.